Mais déjà il rentrait, parlant encore parmi les ombres, d'où un mot ambigu, un regard l'avait extrait. Philippe lui prêta son bras pour franchir la pente effritée, en lui témoignant cette froide prévenance pitoyable qui tombe de haut de l'enfant sur le père, chaque fois que le père est un homme tranquille et mûr, et le fils un adolescent tumultueux qui vient d'inventer l'amour, les tourments de la chair et la fierté d'être seul, au milieu du monde, à souffrir sans demander de secours. Au niveau de la terrasse plane, étroite, sur laquelle reposait la villa, Philippe abandonna le bras de son père, voulut redescendre vers la plage, rejoindre sa place marquée depuis moins d'une heure, dans un coin précis de la solitude humaine. « Où donc vas-tu, petit gars ?»« Là, papa, en bas. »« Ça presse ?»« Viens un peu. »« Je voudrais t'expliquer des choses pour la villa. » »« Tu sais qu'on se décide, nous deux, Ferré. On l'achète. » D'ailleurs, tu le sais bien, il y a assez longtemps qu'on en parle devant vous, les enfants. Phil ne répondit pas, n'osant ni mentir, ni avouer la surdité bourdonnante qui le retranchait des conversations familiales. Viens, je vais t'expliquer. D'abord, mon idée, d'accord avec Ferré, d'élargir la villa par deux ailes sans étage, dont le dessus fournira deux terrasses aux chambres principales du premier. Tu saisis ? Phil hocha la tête d'un air sagace et il tenta d'écouter honnêtement. Mais quoi qu'il fît, il perdit pied à partir d'un mot, le mot encorbellement, et redescendit mentalement la pente jusqu'à l'endroit où le petit garçon maléfique lui avait dit « Encorbellement, encorbellement, j'en suis resté à encorbellement. » Cependant, il hochait la tête et son regard empreint d'une filiale activité allait du visage de son père au toit suisse de la villa, du toit à la main de M. Audebert qui dessinait dans l'air une architecture nouvelle. Encorbellement. Tu saisis ? Nous ferons ça, Ferré et moi. Ou peut-être que ce sera toi, d'accord avec la petite Ferré. Car on ne sait ni qui vit ni qui meurt. Ah, j'entends de nouveau ! S'écria Philippe en lui-même, avec un sursaut de délivrance. Ça te fait rire ? Il n'y a pas de quoi rire. Vous ne croyez jamais à la mort, gamin. Mais si, papa. La mort. Enfin un mot familier, compréhensible. Un mot de tous les jours. Il y a évidemment de grandes probabilités pour que tu épouses Vinca plus tard. Du moins, c'est ta mère qui l'assure. Mais il y a aussi de grandes possibilités pour que tu ne l'épouses pas. Qu'est-ce qui te fait sourire ? Ce que tu dis, papa. Ce que tu dis est cette simplesse des parents, des gens mûrs, de ceux qui ont, comme ils disent, et vécu, et leur candeur, et leur troublante pureté de pensée. Remarque que je ne te demande pas ton avis là-dessus en ce moment. Tu me dirais « je veux épouser Vinca », ça me ferait autant d'effet que si tu me déclarais « je veux pas épouser Vinca ». Ah oui ? Oui. Ce n'est pas mûr. Tu es bien gentil, mais... Les yeux gris saillants émergèrent encore une fois de la confusion universelle pour toi et Philippe. Mais il faut attendre. Elle ne pèsera pas très lourd, la dot de la petite Ferré. Qu'est-ce que ça fait ? On se passe bien de velours et de soie et d'or les premiers temps. De velours, de soie et d'or. Ah, le velours, la soie et l'or. Rouge, noir, blanc. Rouge, noir, blanc. Et le morceau de glace taillé comme un diamant dans le verre d'eau. Mon velours, mon luxe, ma maîtresse et mon maître. Ah, comment se passer d'un tel superflu ? Travail, commencement dur, sérieux, tant de penser à l'époque où nous vivons. J'ai mal, ici à la hauteur de l'estomac, et j'ai horreur de ce rocher violacé sur le fond rouge sombre, blanc et noir de ce que je regarde moi-même. Vie de famille, choyer, pardine, pain blanc le premier, petit gars. Eh ben. La voix, les paroles intermittentes s'éteignirent dans un doux bruit d'eau envahissante. Philippe ne perçut plus rien, qu'un choc faible à l'épaule et un picotement d'herbe sèche contre sa joue. puis le son de plusieurs voix perça de nouveau, comme autant d'îlots acérés, le mugissement égal et agréable des eaux, et Phil rouvrit les yeux. Sa tête reposée sur les genoux de sa mère, et toutes les ombres, en cercle, penchées au-dessus de lui, leur visage inoffensif. Un mouchoir trempé d'alcool de lavande toucha ses narines, et il sourit à Vinca qui s'interposait, coloré d'or, de brun rosé, de bleu cristallin, entre lui et les ombres. Ce pauvre coco! Je l'ai dit qu'il n'avait pas bonne mine. Nous causions tous deux, il était là devant moi, et puis pouf! Il est comme tous les garçons de son âge, incapable de surveiller son estomac, les poches bourrées de fruits. Et les premières cigarettes, vous les comptez pour rien? Mon coco chéri, il a les yeux pleins de larmes. Naturellement, c'est la réaction. D'ailleurs, ça n'a pas duré 30 secondes, le temps de vous appeler. Je vous dis, il était là, nous causions tous les deux, et puis... Phil se leva, léger, les joues froides. Mais ne bouge pas, voyons. Appuie-toi sur moi, petit gars. Mais il tenait la main de Vinca et souriait sans expression. C'est fini. Merci, maman. C'est fini. Tu ne veux pas te coucher par hasard? Oh non, j'aime mieux rester à l'air. Regardez-moi la tête de Vinca. Il n'est pas mort, ton Phil. Emmène-le, va, mais restez autant que possible sur la terrasse. Les ombres s'éloignèrent, en peloton lent, d'où s'élevaient des mains amies, des paroles d'encouragement. Un regard maternel y brilla une fois encore, et Philippe resta seul avec Vinca qui ne souriait pas. D'un mouvement de bouche, d'un signe de tête rassurant, il l'invita à la gaieté, mais elle répondit par un autre signe. « Non. » Et ne cessa pas de contempler Philippe, sa pâleur qui verdissait un peu le hâlebrun, ses yeux noirs où le soleil trempait un rayon roux, sa bouche entr'ouverte sur de petites dents épaisses. « Que tu es beau. Que je suis triste. » disaient les yeux bleus de Vinca. Mais il n'y lisait pas de pitié, et elle lui faisait tenir sa dure main de pêcheuse et de joueuse de tennis, comme elle lui eût tendu la poignée d'une canne. « Viens, » pria tout bas Philippe. « Je vais t'expliquer. Ce n'est rien, mais allons dans un endroit tranquille. » Elle vint, et ils choisirent gravement, en guise de chambre secrète, un entablement de roc, parfois mouillé par les grandes marées, fourni par elle d'un sable à gros grains, vite séché. Aucun d'eux n'avait jamais songé qu'un secret pût être confié à des tentures de crétonne claire, à des parois de pichepin d'une résonance musicale qui portait d'une chambre à l'autre, la nuit, la nouvelle qu'un des habitants de la villa tournait le bouton d'un commutateur, toussait ou laissait choir une clé. Sauvages à leur manière, ces deux enfants parisiens savaient fuir l'indiscret abri humain et chercher la sécurité de leur idylle et de leur drame au milieu d'un pré découvert, sur le bord d'une aire rocheuse ou contre le flanc creux de la vague.